J'ai espéré tellement longtemps, j'ai attendu pendant des années que mon cœur s'est refroidi, que mon amour s'est envolé en espérant que tu reviennes. Je me suis renfermé à présent, trop de temps s'est écoulé. Je ne sais plus quoi en penser. Je t'ai cherché. Je t'ai cherché. Je t'ai cherché. Dans tous les endroits du monde, je t'ai cherché. Je t'ai cherché. J'ai regardé autour de moi, je t'ai cherché pendant des années, que je ne savais plus quoi faire, je n'ai jamais cessé d'aimer. Ma vie sans toi, je ne la conçois pas, j'aimerais te retrouver pour te dire que je n'ai jamais cessé. Je t'ai cherché, je t'ai cherché. Dans tous les endroits du monde, je t'ai cherché, je t'ai cherché, je t'ai cherché. Du monde, je t'ai cherché.